le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Favoris, conseillers dans les coulisses de la décision. Les favoris ne sont pas seulement de grosses touffes de poils qu'un homme laisse pousser sur les joues quand son menton est rasé. Non, les favoris sont ceux qui bénéficient d'une préférence marquée de la part du souverain. Courtisan, conseiller, favori, la proximité avec le prince assure d'un prestige indéniable, ne serait-ce que par l'influence réelle ou espérée. L'exercice du pouvoir n'est pas une entreprise solitaire. Quelles sont les coulisses de la décision politique ? Jean-François Solnon, bonjour. Bonjour. Nous parlons de favoris, nous parlons de pouvoir. La notion même de favoris associée au pouvoir n'a pas de chronologie. C'est l'histoire même. Il y a, dès qu'il y a pouvoir, des favoris auprès du prince. Oui, je crois que le phénomène remonte, comme disait Alexandre Vialat, à la plus haute antiquité. En tout cas, on a en tête, dans l'esprit, on a Antinous, qui est le favori et l'amant de l'empereur Adrien. Alors, on sait à peu près quand ça commence, c'est-à-dire avec l'histoire. Quand ça se termine, c'est plus délicat à évoquer. Mais c'est un phénomène qui est très général, qui a touché l'Europe entière, et on pourrait même peut-être probablement dire le monde, que ce soit dans le monde nippon ou dans le monde chinois. Et ce phénomène qui est très répandu, on en prend la mesure lorsqu'il n'existe plus. Or, on sait que dans un pays, avec un souverain et à une date précise, il n'y a plus de favoris. Le pays, c'est la France, le souverain, c'est Louis XIV, et la date, c'est mars 1661. Au mois de mars 1661, le 9 mars d'ailleurs, Mazarin meurt. Louis XIV verse des torrents de larmes, on sait qu'il était très prodigue de pleurs, et il réunit dans l'appartement de sa mère, qui est une sorte de reconnaissance du rôle que Anne d'Autriche avait joué, il convoque ses ministres et le représentant de l'Assemblée du clergé lui demande à qui dois-je m'adresser désormais pour les nominations. Vous savez, l'Église, c'est comme l'université, toujours très préoccupé par les nominations. Louis XIV répond, superbe, mais à moi, monsieur l'archevêque. Et le lendemain, il convoque tous ses ministres et il leur explique qu'il n'y aura plus de premier ministre, il n'y aura plus de ministéria, il n'y aura plus de favoris, il l'exercera désormais personnellement le pouvoir. Personne n'y croit vraiment, il a 22 ans, c'est un homme qui aime les fêtes, les divertissements. Il va tenir 54 ans. Et c'est pas une sorte d'initiative sans lendemain, puisque à la fin du règne, lorsqu'il écrit à son petit-fils, le duc d'Anjou, qui est devenu roi d'Espagne, le premier Bourbon d'Espagne sous le nom de Philippe V, il lui écrit la chose suivante. À la fin d'un avis qu'il lui a donné, il a conservé ça pour la fin, en lui disant « Il faut désormais que vous soyez votre propre premier ministre. Point de favori. » Donc c'est à ce moment-là qu'on mesure, si vous voulez, l'importance qu'avaient les favoris dans la période antérieure, et en particulier dans la première moitié du XVIIe siècle. Parce que Louis XIV désire régner seul, sans favoris, simplement par le fait qu'il sait très bien ce qu'est un favori. Lui-même a vécu ce système-là où le favori est omniprésent autour du pouvoir. Il a été formé par Mazarin. Mazarin qui a une particularité par rapport aux autres favoris, c'est qu'il est ministre, principal ministre, on dirait aujourd'hui premier ministre, et favori. Il a les deux casquettes. À la différence de son prédécesseur Richelieu, puisque dans ce livre sur l'histoire des favoris, j'ai consacré un chapitre à Richelieu pour expliquer que c'était pas un favori. Et justement, Richelieu, lui, il est ministre. Il n'est pas favori. Louis XIV a eu l'habitude, en effet, avec Mazarin, d'être formé par un homme qui avait les deux casquettes, en quelque sorte. Et il sait ce que c'est. Puis surtout, il sait ce qui existe dans d'autres pays d'Europe. On ne vit pas fermé dans le domaine français, on sait ce qui s'est passé. Et dans d'autres domaines, je pense en particulier à l'Espagne, c'était tout de même un parent de Louis XIV, Philippe IV à plusieurs reprises a eu un favori, qui était le comte duc d'Olivares, qui est la grande personnalité européenne du XVIIe siècle. Eh bien, Philippe IV à plusieurs reprises a tenté de gouverner lui-même. Mais il était souvent inconstant et il reprenait vite le relais des favoris. Jean-François Solnon, dans cette histoire des favoris, comment définissez-vous d'ailleurs un favori ? Qu'est-ce qu'un favori ? C'est une question plus difficile qu'il en a l'air. En bonne méthode, on s'intéresse à la vie des contemporains. et on regarde les dictionnaires de l'époque. Alors on a par exemple le dictionnaire de Furtière. Le Furtière, c'est le patron de tous les lexicographes aujourd'hui. Et que nous dit Furtière ? Il nous dit, le favori, c'est celui qui a les bonnes grâces du souverain, ce qui nous avance pas beaucoup. Je crois que la définition, elle vient, c'est comme la marche qui se justifie en marchant. Elle vient progressivement. Il y a parmi les favoris existants ou réputés tels, et certains ont été conservés, d'autres m'ont posé des questions, des difficultés. Et puis finalement, ce qui apparaît comme étant le plus efficace comme définition, c'est celui qui partage l'intimité du prince. Ça, c'est essentiel. Dans un monde complexe, autour du prince, il y a la cour, il y a les courtisans. Le favori s'inscrit dans cet univers. Ah, il s'inscrit dans l'univers des courtisans. Il peut y avoir appartenu depuis longtemps, ou au contraire, c'est quelqu'un qui vient d'arriver et qui a suscité l'intérêt du souverain. C'est la manière dont les favoris deviennent favoris qui est intéressant. Et c'est là où on se rend compte des faiblesses d'un certain nombre de monarchies. Oui, parce que le favori, et ça c'est quelque chose qui est prégnant, n'est pas légitime en soi. Le roi bénéficie de sa légitimité pour le cas de la France divine. Le favori, c'est plus compliqué. Sa légitimité lui vient simplement du souverain. Celui qui a la faveur du prince. Il n'a pas d'autre légitimité. En tout cas, c'est pas le mérite qui en a fait un favori. C'est simplement le bon plaisir du souverain ou de la souveraine. Et vous de la souveraine, mais Jean-François Solnon, vous ouvrez votre histoire des favoris par une citation de l'abbé de Montesquieu. Votre majesté ne doit pas oublier que si les Français ont passé à leur roi toutes les maîtresses, ils n'ont jamais pu supporter un favori. Tout est dit. Tout est dit dans cette phrase, d'où l'exergue, évidemment, parce que on se rend compte ici que finalement c'est un cas particulier, le favori, par rapport à tous ceux qui peuvent tourner autour de la personne du souverain. Et il est vrai, quand on dit qu'on a pardonner à tous les souverains leurs maîtresses, c'est à moitié vrai. Alors, depuis Diane de Poitiers jusqu'à la comtesse du Barry, il y a beaucoup à dire sur les maîtresses royales. Mais il est vrai que l'abbé de Montesquieu met l'accent sur l'originalité d'un personnage masculin, qui va être dans les bonnes grâces du prince. Et puis parmi les princes entourés de favoris, s'impose un nom. C'est celui d'un découpeur de petits papiers qui colle, oui, c'est très étonnant. Écoutez, c'est Jacques Prévert qui nous écoute cela. En même temps que Prévert, d'autres en ce moment font des collages. Mais Max Ernst non plus ne fut pas le premier. Le premier à faire des collages de la sorte. Henri III, attendez, Henri III, hein, il découpait des images. Pour ça, j'aimais bien être appelé. Henri III découpait des images. Ah oui ? Ah oui, Henri III. Ah, ça, c'est très intéressant. Ah oui. Il aimait ça. Il découpait et collait des images. On le sait de manière certaine. Ah oui, c'est pas là, mais enfin, quand même. Est-ce que vous savez s'il en existe ou pas ? Non, tout était perdu. Non, oh, je ne pense pas que perdu, c'est à déchirer, c'est à foutre à l'air ou ce qu'elle représentait. Et puis elles étaient peut-être particulières, ces images, pour être comme on dit aujourd'hui. Hein. Justement. Louis XIV ne découpait pas d'image. Et non, il n'était pas particulier. Et il ne devait pas aimer la sienne. Jacques Prévert qui nous explique que Louis XIV ne devait pas découper d'image parce qu'il n'aimait pas son image. Mais ça, c'est pas l'avis de l'historien, c'est l'avis du poète. En revanche. Mais c'est vrai à propos d'Henri III. Henri III découpait des Henri images. Henri III découpait des, je crois qu'on appelait ça des canivets. Et il était très, très friand de ces choses qui permettaient peut-être de réfléchir en même temps. Parce qu'on peut faire un travail manuel tout en réfléchissant. Mais ça fait partie de la légende noire, en effet, d'Henri III, l'homme qui joue au bilboquet, qui passe ses journées à jouer au bilboquet, ou qui découpe des images. Et autour d'Henri III, nous avons une figure de favori exceptionnelle, ce sont les Mignons et Archimignons d'ailleurs. Ils ouvrent votre histoire des favoris, Jean-François Solnon. Oui, c'est ce qui est resté dans les mentalités collectives, les Mignons, les Archimignons, avec une connotation éminemment péjorative. Ce qu'on a un petit peu oublié de voir, c'est que Henri III était très soucieux d'avoir à ses côtés et à son service des gens qui lui permettaient de court-circuiter les réseaux habituels de la noblesse française, en particulier les grandes familles, dont les Guises, qui sont les chefs des catholiques ultra. Et là, ça permet à Henri III de s'appuyer sur un certain nombre de jeunes gens, il est vrai, beaux, sportifs, élégants, mais également des véritables bretteurs, qui n'hésitent pas à sortir l'épée du fourreau. Et il en a besoin comme substrat, comme on dirait aujourd'hui, sociologique de son activité politique. Et en ce sens, ça a été efficace un temps, mais pas complètement. Parce qu'une des caractéristiques des favoris, le favori joue souvent le rôle de fusible, comme on dirait aujourd'hui d'un Premier ministre par rapport à un président de la République. Or, ce rôle de fusible, les Mignon ne l'ont pas joué, puisque Henri III a été assassiné. Mais ces Mignon ont une image qui a été utilisée par la suite, bien sûr, pour dénigrer alors l'entourage du souverain, qui est quelque chose, mais là aussi, ça traverse les régimes et les institutions, l'entourage du souverain pose problème avec les Mignon d'Henri III. Là, nous avons le ou les favoris stigmatisés. Ah oui, ce sont les favoris, parce qu'ils sont assez nombreux. On leur reproche tout. Ce qu'on reproche surtout à un favori, c'est que il va recevoir quantité de faveurs, de grâces de la part du souverain, et de manière probablement indue. En tout cas, c'est ainsi qu'on le pense. Et ces faveurs, il va, et ça on l'oublie, il va souvent les redistribuer à des clients, à des gens qui font partie de la clientèle. C'est pour cette raison qu'on appelle cela le canal des grâces. C'est un véritable canal qui va du souverain. C'est comment dit-on aujourd'hui ? On redéploie en quelque sorte les faveurs princières à l'égard d'autres personnages moins importants ou qui n'apparaissent pas dans les chroniques. Ce qui n'existe absolument plus en République, nous le savons bien. Oh, bien entendu. C'est absolument impossible. Et le fonctionnement même de la monarchie, la notion de favori ne pose pas de problème en soi. C'est un phénomène qui est vieux comme le monde, comme nous le disions tout à l'heure, et puis c'est un phénomène qui est très largement répandu. Quand vous pensez qu'au XVIIe siècle, il y a des favoris donc en France, il y a des favoris en Espagne, il y a des favoris en Angleterre, c'est quand même un phénomène étonnant. Et c'est curieux que, au-delà de l'image traditionnelle des institutions, des monarchies d'Ancien Régime, on n'ait pas songé aux favoris. Qu'est-ce qu'on sait d'habitude ? L'image traditionnelle, c'est les différents conseils du roi. En France, le conseil d'en haut, parce qu'il siégeait au premier étage des résidences royales, le conseil royal des dépêches, le conseil royal des finances, un conseil technique, le conseil d'État privé, qui est peuplé par des maîtres des requêtes et des conseillers d'État qui existent toujours. Donc on pense à ça. On pense ensuite aux grands serviteurs de l'État du type le chancelier de France, le connétable, le contrôleur général des finances, les secrétaires d'État. Mais derrière cette façade très officielle, il y a, dans les coulisses, qu'on affectionne aujourd'hui particulièrement, mais dans les coulisses, il y a d'autres personnes qui ont des fonctions et qui ont surtout des fonctions de cour. Car ça contribue d'ailleurs à la définition du favori, c'est celui qui exerce une fonction à la cour. Dans ce fonctionnement, nous avons évoqué Louis XIV, qui règne seul. L'État, c'est lui. Il y a aussi la volonté de se montrer régnant seul. Ce qui est important parce que nous le savons bien, le pouvoir ne peut pas s'exercer en solitaire. Et vous l'avez évoqué, Jean-François Saulnon, il y a le cabinet du conseil, il y a toutes ces institutions autour du souverain. La volonté du roi de les effacer, c'est un acte politique. Oui, alors c'est un acte qui n'existe pas forcément dans la durée. Lorsque Louis XIII va commanditer l'assassinat de Concino Concini, qui est une sorte de caricature de favori, nous sommes là en 1617. Donc dans les premières décennies du XVIIe siècle, la première parole de Louis XIII, qui est débarrassé ainsi de cet homme qui était surtout le favori de sa mère, de Marie de Médicis, la formule qu'il a employée est la suivante. « Désormais, je suis roi ». Par conséquent, là, il entend bien régner par lui-même. Et puis dans l'histoire des favoris, il y a tous ces noms qui surgissent sans cesse. Nous avons évoqué les Mignon autour du roi Henri III. Il faut évoquer maintenant Saint-Marc. Jusqu'à présent, les relations si affectueuses de Votre Majesté et de Monsieur le Grand me faisaient jaser qu'à la cour. Mais mes agents m'informent qu'elles défraient aujourd'hui la chronique des bourgeois de Paris et de province. Et que dit-on en province ? Votre Majesté n'est pas sans savoir qu'une grande amitié entre deux hommes prête aisément le flanc aux plus odieuses calomnies. Mais c'est vous un prêtre qui vous faites l'écho de ces infamies ? Tout en méprisant ceux qui les répandent, sire. Cardinal, vous êtes mon conseiller en politique. L'amitié que je porte à Monsieur le Grand vous échappe. Et d'ailleurs ne vous regarde pas. Sachez que je ne me séparerai jamais, Monsieur de Saint-Marc. Jamais. Et sachez que ses ennemis sont les miens. Les miens. Monsieur le Grand est Saint-Marc, c'est le grand écuyer. Le grand écuyer du roi, oui. ici, c'est dans la caméra Explore le temps en 1962 que Louis XIII, Jean-Pierre Marielle, discute avec Richelieu, Pierre Asso, des figures comme Saint-Marc sont des figures extrêmement intéressantes. Nous sentons qu'ici, il y a cette tension autour du souverain, le favori crée des tensions. Saint-Marc, c'était quoi? Ah oui, parce que là, on a un Louis XIII qui engueule Richelieu, il faut dire les choses. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cet extrait, c'est de nous montrer que finalement, Louis XIII n'est pas dépendant de Richelieu comme on l'a longtemps cru et écrit même dans les manuels d'histoire. C'est pas une diarchie, la monarchie française. Il n'y a pas deux têtes. Il n'y en a qu'une. Une seule. Le roi. Et puis, en dessous, il y a le principal ministre ou éventuellement le favori. Et par conséquent, Richelieu doit se soumettre ici à Louis XIII qui manifeste l'intérêt, peut-être davantage encore, qui le porte auprès de cet homme qui lui a été légué par Richelieu, parce que Saint-Marc a eu une enfance plutôt solitaire. Richelieu a pris en quelque sorte ce jeune homme dans ses bagages et il en a fait, d'une manière tout à fait involontaire d'ailleurs, il en a fait un favori. Et Louis XIII est très attaché. Et ce qui est pire d'ailleurs dans cette aventure, c'est que Louis XIII aura à se plaindre de Richelieu. Vous savez, Louis XIII est très impressionné par la mécanique intellectuelle de Richelieu. Ça, c'est incontestable. Louis XIII est un homme qui bégait. Richelieu maîtrise parfaitement le verbe. Il est d'une intelligence rare. Il comprend avant tout le monde ce qui est dit. Louis XIII aura à se plaindre quelquefois de l'attitude de Richelieu, du côté cassant de Richelieu. Et à qui se plaint-il? Il s'en plaint à Saint-Marc. Et Saint-Marc se croit obligé, évidemment, de comploter contre Richelieu, puisque Louis XIII lui-même s'en plaint. Jean-François Saulnon, vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Franche-Comté. Vous travaillez sur l'histoire des favoris, nous en parlons ce matin, mais plus globalement sur l'entourage du souverain. Quand il est question pour l'historien de saisir comment, et la question est très difficile, un personnage devient favori. Ce sont ces éléments biographiques, microbiographiques, qui permettent en fait de voir une ascension. Oui, ce sont ce qui nous paraît aujourd'hui des petites choses. Par exemple, dans la Russie du XVIIIe siècle, Potemkin commence sa carrière comme garde du corps de l'impératrice. C'est une petite chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une proximité quotidienne entre le favori ou celui qui aspire à le devenir et le souverain. Et je crois que nos contemporains devraient songer à cela. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que certains ministres de la République n'obtiennent d'audience du chef de l'État, du président de la République, que d'une manière très, très parcimonieuse. Et que certains ministres, plus ou moins appréciés du chef de l'État, j'imagine, ne rencontrent jamais en tête à tête. Or, c'est ça qui est important dans un rapport entre un favori et le roi, c'est-à-dire que le favori est en tête à tête avec le souverain. Et il exerce des charges de cour, on disait le grand écuyer, mais il est toujours en présence du roi. Dès que le roi quitte son palais pour aller à la campagne ou pour mener une campagne militaire, il est dans ce cas-là. Et par conséquent, on a affaire à une proximité, quand vous êtes gentilhomme de la chambre, quand vous êtes grand maître de la garde-robe, c'est-à-dire c'est vous qui avez la responsabilité bien d'habiller le roi ou de choisir pour lui les vêtements qu'il portera dans la journée. Voilà une proximité constante qui est donnée par la fonction. Eh oui, c'est cette proximité, le côté quotidien de la chose. Il y a quelque chose de très charnel. Hein. C'est vraiment des relations humaines avec la question qui se pose toujours de l'affinité. Il faut bien s'entendre avec la personne. Oui, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas où le roi exerce une sorte d'emprise, j'allais dire paternelle. Parce que quelquefois, il y a des écarts d'âge qui sont considérables entre un souverain et un favori qui peut avoir 20 ans de moins. Donc il peut y avoir des écarts d'âge considérables. Et puis il y a aussi une sorte d'attirance physique entre un souverain ou une souveraine et un favori. Et là se pose cette question éternelle qui passionne les foules, mais qui est évoquée déjà à l'époque, c'est-à-dire savoir quelles sont les relations possibles, affectueuses, amoureuses, sexuelles peut-être, entre ces deux hommes. Extrêmement commenté, ces relations entre le prince et son favori. Et nous avons évoqué les mignons d'Henri III. Alors, il y a une construction historique postérieure pour faire de ces personnages beaucoup, des gens beaucoup plus proches que l'on entend du souverain. Mais c'est vrai que tout le fil de l'histoire des favoris, c'est ça. C'est une réflexion sur des relations humaines. Et ça, ça passionne. Ah oui, c'est passionnant. Puis d'ailleurs, c'est ce qui se fait en leur temps. C'est pas les accusations qui ont été portées par la suite. C'est pas au regard de l'histoire que ça existait. À l'époque, dans les libelles, et c'est pour cette raison que la tâche de l'historien est un peu compliquée, parce qu'il faut se débarrasser justement de ces ragots, de ces libelles, de ces pamphlets, pour essayer de découvrir à peu près, comme on peut le faire en histoire, à peu près, la vérité. Et l'histoire des courtisans diffère selon les cadres dans lesquels se développe cette relation extrêmement précise, intime. Si nous nous plaçons à Versailles, avec une cour, une étiquette, extrêmement codifié. La figure du courtisan entre bien dans cette étiquette, dans ce cérémonial, ou bouleverse un peu les choses? Si vous prenez l'exemple français, en particulier à l'époque de Louis XIV, de Versailles, de l'étiquette, du protocole, etc., on se rend compte que Louis XIV a des amis. On les connaît. Ils apparaissent dans les mémoires de Saint-Simon, ou d'ailleurs, même si Saint-Simon ne cesse de râler contre cette présence-là. Mais il n'y a pas de favori. Le favori, c'est autre chose. Et vous parliez de distinction entre les favoris. Il y a ceux qui se contentent de toucher les royalties, si j'ose dire, qui sont heureux d'avoir des faveurs. Et puis il y a ceux qui ont des ambitions politiques. Et c'est là où ils apparaissent à la surface des choses. Eh oui, c'est ça, hein, c'est cette proximité qui est utilisée ou non, parce que la proximité, ça peut juste être pour les plaisirs du quotidien, la joie de vivre dans le faste, et puis cette proximité parfois crée des tensions. Là, c'est la grandeur de la France. Ça, c'est la petitesse de l'amour. Oh, que votre majesté me déteste un peu plus, un peu moins, ça a bien peu d'importance. Vous m'avez toujours détesté. Quand vous étiez petit et que nous couchions dans la même chambre tous les deux, vous vous releviez la nuit pendant que je dormais et vous glissiez votre main dans mon lit pour voir si j'étais froid. C'était normal. Car vous aviez tout de suite deviné que je n'étais pas homme à faire vos quatre volontés. Ainsi, le roi Louis XIV ne peut pas épouser Maria Mancini, la nièce du pauvre Mazarin. Mais vous ne savez donc pas combien je l'aime? Si, mais ça n'est pas important. Louis XIV et Mazarin dans le film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, Jean-François Saulnon. La relation avec un favori peut être complexe, mais comme toute relation humaine, dès qu'il y a de fortes affinités, il peut y avoir de fortes tensions aussi. Certes, et puis on a des exemples de tensions. À l'échelle de toute l'Europe d'ailleurs. Je signalais tout à l'heure le règne de Philippe IV d'Espagne, qui est un souverain important dans la première moitié du XVIIe siècle. Ses relations avec Olivares sont plus ou moins tendues. À plusieurs reprises, Olivares va se sentir contraint de proposer sa démission. La troisième sera la bonne, hein. Mais jusque-là, les difficultés existent. Et puis finalement, comme on a affaire souvent à des souverains qui n'aime pas trop le métier de roi. Le métier de roi, Louis XIV l'avait décliné en disant « il est grand, noble et délicieux ». Mais tous ne partagent pas cette idée-là. Et par conséquent, on a affaire à des souverains qui, n'aimant pas forcément le métier de roi, n'aimant pas prendre des responsabilités, préférant avoir une vie tranquille, c'est le cas de Charles IV d'Espagne, qui a comme favori Godoy, ou encore des souverains qui sont dans l'incapacité de gouverner. C'est le cas du roi de Danemark, Christian VII, dont la santé mentale est mise à rude épreuve. Le favori, dès lors, devient utile. Et il a une influence. Dans ce cas précis, où le souverain n'a pas trop envie d'exercer son métier de souverain, le favori est utile. Mais dans tous les cas, Jean-François Saulnon, le favori est suspect. Regarder de l'extérieur parce que on ne sait pas ce qui se passe. C'est ce mystère aussi qui intéresse. Ah oui, bien sûr. Le mystère des relations entre deux hommes ou entre un homme et une femme, quand il s'agit par exemple d'Élisabeth Ier d'Angleterre, ça passionne. Et ce qui passionne, c'est de voir apparaître dans l'opinion publique un personnage dont on sait, dont on devine, sans avoir de certitude, qu'il joue un rôle important, que c'est l'homme important, que c'est le canal des grâces, pour reprendre l'expression, pour les autres courtisans. Donc, à partir du moment où ces personnages arrivent à la surface des choses, ils sont bien évidemment critiqués. Il y a une expression d'ailleurs qui désigne cette rapidité d'ascension. On dit « ce sont des potirons qui sont venus en une seule nuit ». Et ça contribue évidemment à leur à cette attitude des contemporains, des souverains, qui les mettent en cause. Et c'est ainsi qu'on a des favoris qui sont pour la plupart du temps détestés. Alors ils sont détestés en leur temps et dans l'histoire, ils sont détestés dans leur pays et à l'étranger. Certains, je pense à Godoy en particulier, sont internationalement détestés. Oui, Godoy, l'Espagnol, détesté dans le monde entier, mais adulé aussi par, mais juste quelques personnes. Bah, ça tombe bien, c'est les souverains. Oui, bien sûr. Ah oui, bah, le roi Charles IV ne peut pas se passer de lui. Alors, Godoy, c'est un cas encore particulier. Il y en a au moins deux dans mon livre que j'évoque. C'est que Godoy est à la fois le favori de Charles IV qui n'aime pas gouverner, qui veut mener une vie paisible, qui préfère aller à la pêche plutôt que de signer des lois et des ordonnances. Il est donc favori de Charles IV et en même temps l'amant de la reine. Et on a cet autre cas au Danemark avec Struensee. Struensee est donc le favori de Christian VII qui n'est pas en mesure de gouverner. Il y a des rémissions dans ses accès de folie, mais ça peut arriver. Mais en même temps, il est devenu l'amant de la reine de Danemark. Eh bien, nous partons au Danemark. Son orgueil ne lui permettait pas d'adopter une idée qu'un autre lui suggérait, ni de délibérer avec qui que ce fût. Il ignorait qu'un ministre, pour faire le bien, ne doit pas se contenter d'ordonner et de promulguer, qu'il faut suivre l'opération principale jusque dans ses moindres ramifications. Il ne concevait pas tout l'empire de l'habitude et du préjugé sur les peuples et tous les obstacles qui en résultent pour le gouvernement. Il semblait croire qu'un ministre caché derrière le rideau et faisant agir un roi automate avait autant de force qu'un roi tout-puissant éclairé. Marion Malenfant qui nous lisait ce jugement porté par Reverdil, donc précepteur du roi Christian VII du Danemark, à propos de Struensee. Jean-François Solnon, mais qui est ce favori? C'est un médecin. C'est un médecin qui est né à Halle, donc en Allemagne du Nord, et qui a été recruté en quelque sorte pour tenter d'apaiser le jeune souverain Christian VII au moment où celui-ci fait un voyage en Occident et en particulier en Angleterre, mais également tout particulièrement en France. Et il est applaudi en France parce qu'il apparaît, ce jeune homme, comme une sorte d'adepte de la philosophie des Lumières. D'ailleurs, il a tenu absolument à avoir une réunion avec les grands esprits du temps. Alors ça se passe un soir, Condillac, Hume et autres ont été invités. Pas Voltaire, il n'était pas présent à Paris, ni Buffon d'ailleurs, mais il y a Jean-Jacques Rousseau, etc. Et par conséquent, il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup parce qu'il semble s'intéresser. Alors on imagine bien les rencontres. Le roi demande à ses philosophes ce qu'il en est de leurs travaux, de leurs livres. Ça plaît toujours, évidemment, aux auteurs. Et donc c'est l'image que Struensee a. Et au retour, on se dit, mais comment se fait-il que ce souverain, qui a quelquefois des crises d'hallucination, s'est si bien comporté en France et en Angleterre? Ça doit être simplement la présence de son médecin à ses côtés. Si bien que de retour au Danemark, de retour à Copenhague, eh bien, Struensee va devenir très vite le favori du roi. Et c'est ça l'intérêt finalement de ce propos, c'est que le roi va lui laisser une délégation de pouvoir. Parce que finalement, cette histoire des favoris dont nous parlons ce matin, c'est l'histoire de la délégation de pouvoir. Et il délègue une grande partie de son pouvoir dont va se saisir Struensee, qui va mener une politique de réforme. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est contenté de bénéficier des faveurs du prince, mais c'est quelqu'un qui a une vision politique, et pratiquement tous les domaines de la vie publique sont concernés par les réformes de Struensee. C'est passionnant, Struensee, parce qu'il récupère le pouvoir. Complètement. Il est le roi caché dans l'ombre. Le favori, sinon, peut se contenter de donner des conseils. Et déjà, c'est très important. Dans le panorama que l'on peut faire de tous ces favoris, nous voyons des moyens d'action tellement différents, du simple conseil à la présence et jusqu'à Struensee qui est le roi à la place oui, du roi. Oui, des conseils, des insinuations, des choses qui demandent un peu de temps pour convaincre un souverain. Et puis pour revenir à Struensee, il a publié ce qu'on appelle des ordres de cabinet. De quoi s'agit-il ? Ben, il s'agit d'une décision qui est prise oralement par le souverain. Et le favori a le devoir de les mettre par écrit. Vous voyez la liberté que le favori peut s'accorder entre ce qui a été oral, prononcé par le prince, et ce qui va apparaître dans un ordre de cabinet qui sera ensuite obéi par la population entière. Jean-François Solnon, vous abordez un aspect que je trouve extrêmement intéressant sur cette question des favoris. Pour l'historien que vous êtes, la source. Historien qui travaille sur les mécaniques de la prise de décision bénéficie, mais c'est la base du travail d'historien, des documents, des écrits. Mais avec le favori, c'est cette proximité que nous évoquons. Beaucoup d'oralité. Alors comment retrouve-t-on l'oralité ? D'oralité, mais également, Dieu merci, grâce à des correspondances, grâce à un journal, grâce à ces choses-là qui sont écrites soit par les souverains, ça c'est vraiment le plaisir absolu, soit par le favori, soit par ceux qui ont entouré le favori. Par conséquent, en confrontant, en mettant en perspective ces sources, on peut avoir une certaine idée, j'espère qu'on se trompe pas trop, hein, une certaine idée de cette proximité, mais restera toujours une zone d'ombre. Parce que justement, c'est pas le panorama officiel des institutions d'Ancien Régime. C'est quelque chose qui est moins connu. Et j'avais été très surpris il y a quelques années de voir que cette histoire des favoris n'avait jamais été vraiment traitée par les historiens qui se sont beaucoup moins intéressés aux coulisses, justement, ou qui se sont moins intéressés à l'aspect privé des monarques. Jean-François Solnon, vous publiez Anne d'Autriche, reine de France au rang des plus grands rois. C'est aux éditions Perrin. Tout pouvoir est lié à des gens que l'on préfère, des favoris, nous l'avons dit. Alors que ce soit affiché, que ce soit caché, parfois que ça surgisse dans l'actualité, nous l'avons vu aussi. Avec Anne d'Autriche, comment se passent les relations avec l'entourage ? Parce que Anne d'Autriche, reine puissante, a besoin de conseils aussi. D'autant qu'elle n'a jamais été formée à ce métier de reine. Elle arrive en France en tant qu'infante d'Espagne et épouse du jeune Louis XIII. Elle a 14 ans ou 14 ans et demi. Donc il n'y a aucune formation. Et elle va se commettre dans des complots qui sont vite découverts, où elle s'est assez mal comportée par insuffisance en quelque sorte. Et puis cette femme se révèle à partir du moment où elle attend un bébé, elle aura un enfant, enfin. Après 23 ans de vie commune, il y a un jeune Louis qui naît, et puis ensuite suivi de Philippe, c'est Louis XIV et Philippe d'Orléans. Et là, cette femme devient préoccupée du destin de son enfant. Par conséquent, elle va tout faire pour que cette succession se passe au mieux, mais si elle est confrontée à la tourmente par excellence, c'est-à-dire la Fronde. C'est une reine dans la tourmente. Et là, elle a besoin d'un conseiller. Là, elle a besoin de quelqu'un qui soit à ses côtés. Et c'est Mazarin qui joue ce rôle. Alors, il n'est pas nécessaire d'imaginer des relations toutes particulières entre ces deux êtres, mais simplement un Mazarin qui sait quelle est sa place, il sait qu'il est principal ministre et favori, qu'il peut la perdre, d'ailleurs à plusieurs reprises, et c'est lui qui va réussir, comme un véritable chef d'État, à décourager le jeune Louis XIV d'épouser sa nièce, Marie Mancini, dont on entendait un extrait tout à l'heure, et ce qui lui importait davantage, c'était des affaires politiques, de grandes politiques, puisque dans le traité qui était signé avec l'Espagne, après tant de décennies de guerre, le fameux traité des Pyrénées, il était prévu que le jeune Louis XIV épousa Marie-Thérèse d'Autriche. Donc il n'était pas question de voir cette petite Marie Mancini troubler le jeu politique. C'est en ce sens-là qu'on se rend compte que ce sont des gens qui ont le sens de l'État. Ils ont le sens de l'État, ils ont une influence évidente, réelle ou supposée. Parce qu'il y a de ça aussi, entre donner un conseil et que le conseil soit appliqué, il y a un pas gigantesque. Dans l'histoire des favoris que vous étudiez, Jean-François Solnon, beaucoup sont proches, mais sans avoir une influence aussi forte que celle que l'on peut imaginer. Les souverains ont des courtisans, les souverains ont des amis, je le disais à propos de Louis XIV, on en connaît quelques-uns. Il est assez naturel, d'ailleurs, de voir que certains ont des conseils à donner, des remarques à faire. Mais ce qui compte, évidemment, c'est celui qui saura déterminer la politique du pays. Et c'est ça, je crois, qui est... certains l'ont accompli. D'autres sont restés en deçà, c'était évident. Nous réfléchissons aux coulisses de la décision politique. Il y a bien entendu les favoris, et bon, nous avons compris combien ils sont importants. Il y a toutes ces institutions, ces cabinets que nous avons évoqués. Le roi, le souverain, le prince a toujours besoin de conseils, d'informations. Alors aujourd'hui, il y a des cabinets de conseil que l'on paye. Mais cher, paraît-il. Le système de la cour est aussi une source d'informations. Le roi est sans cesse en quête d'informations. Le roi, même dans les monarchies dites absolues, c'est-à-dire des monarchies de droit divin, le roi ne règne et gouverne seul, mais il a toujours besoin de conseils. Et d'ailleurs, il y a des formules qui existent et qui nous disent « le roi en son conseil ». Alors, il y a les conseillers ordinaires, je veux dire ordinaires, c'est-à-dire les classiques, hein, les ministres, les secrétaires d'État, ou ceux qui sont sans portefeuille d'ailleurs, mais dont la vie importe. Je pense au duc de Chevreuse à l'époque de Louis XIV en particulier. La vie importe à ses souverains, mais la question est de savoir ce que Louis XIV, ou ce qu'un roi en général, fait de ses conseils. Et c'est ça, c'est toute la question, parce que il y a ce qu'il en fait, est-ce qu'il prend compte de ses conseils, est-ce qu'il montre qu'il a écouté les conseils, parce que c'est là que casse l'idée qu'il gouverne ça. Alors on a quelques exemples, il y en a un auquel je pense ce matin, c'est celui de la décision que Louis XIV a prise de reconnaître son petit-fils comme roi d'Espagne. Il savait très bien qu'en reconnaissant le duc d'Anjou comme Philippe V d'Espagne, il allait entrer en guerre contre les puissances maritimes, à la Hollande et l'Angleterre qui ne supportaient pas ce genre de choses. Et s'il ne le faisait pas, la menace de guerre était la même. Par conséquent, il a fallu raisonner. Et alors on croit quelquefois que le roi décide comme ça un beau matin de suivre telle ou telle politique. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on sait ça grâce aux mémoires de Torcy, Colbert de Torcy. Et on sait qu'il y a discussion, qu'il y a débat à l'intérieur même du Conseil du roi. Il faut dire qu'il y a un enjeu qui est considérable. Mais c'est là où on s'aperçoit que le roi, fut-il monarque absolu, a besoin de conseils, a besoin d'être éclairé. Il a besoin d'être éclairé par éventuellement un proche, un favori, par exemple Mazarin quand il joue aux cartes. France Culture. Prenez mon jeu. Si vous perdez, c'est sur votre bourse. Le cours de l'histoire. Et si je gagne ? C'est mon jeu. Xavier Mauduit. Tout simplement, c'est un extrait du film La fille de D'Artagnan, de Bertrand Tavernier et Jean-François Saulnon. Les favoris perdent dans l'histoire, dans la mémoire. Parce que ne serait-ce que le mot favori, dire oh, lui c'est un favori, c'est un peu dénigrant. Dans la réalité même, pour certains, tout ne se passe pas bien. Retournons au Danemark. Au Danemark, Struensee a voulu mener une politique de réforme. Un peu dans l'esprit d'ailleurs des Lumières. Et ça s'est mal passé parce qu'il a voulu faire ses réformes trop vite, trop loin, avec beaucoup d'autorité, sans tenir compte des corps intermédiaires, comme on dirait aujourd'hui. Par conséquent, ça a été un échec. Il y a eu donc une opposition de conservateurs danois, qui était menée d'ailleurs par un membre de la famille royale. Et on a obtenu une mise en jugement signée par le roi. Il faut dire qu'on pouvait facilement obtenir ce que l'on voulait de Christian VII. Et Struensee a été arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on lui a reproché? On lui a reproché, évidemment, d'être l'amant de la reine, ce qui ne se fait pas. On lui a reproché également d'avoir voulu s'en prendre physiquement au roi. Puis ensuite, cet argument a été abandonné parce que vraiment, il n'y avait aucune preuve pour l'affermir. Et c'est surtout le fait d'avoir fait ces multiples réformes qui ont bousculé, si vous voulez, le corps social danois. Par conséquent, il a rencontré des oppositions, il a été arrêté, il a été jugé très rapidement et exécuté publiquement. Et ça, c'est ainsi que cette histoire de Struensee, dont le nom est relativement peu connu en France, a fait quand même l'objet de deux films. Moi, je me rappelle, quand j'étais préadolescent, avoir vu un film consacré à Struensee qui s'appelait « Pour l'amour d'une reine » avec Odile Versois dans le rôle de la reine. Et puis depuis, on a « Royal Affair », qui est un film danois. On a des romans, le roman d'un écrivain qui, lui, est suédois, qui s'appelle Enquist, qui s'appelle « Le médecin personnel du roi ». Donc c'est un personnage qui revient à la surface des choses. Royal Affair, effectivement, ce film danois de Nikolaj Arcel. Pourquoi m'a-t-on collé cette ennuyeuse petite dinde ? Rendez-la drôle, hein ? Je veux une reine drôle. Est-ce que vous réalisez la considérable influence que vous avez sur Christian ? Vous pourriez faire un fantastique roi, Christian. Je suis enceinte. Mais c'est exact ! Non. Vous détruisez ma nation, Struensee. Dites roi de faire comme ça me plaît. Notre roi est sous le contrôle d'un adepte des Lumières. Je n'ai aucune envie de devoir te faire trancher le cou. Ce, tu n'es qu'un foutu docteur provincial. Et tu te crois assez fort pour gouverner, hein ? C'est la bande-annonce de ce film Royal Affair en 2012. Jean-François Saulnon, si les historiens, les historiennes ne se sont pas intéressés aux favoris pendant très longtemps, maintenant, il y a votre ouvrage, donc ça c'est fait, ce n'est pas le cas des romanciers. Parce que les romanciers se sont saisis de cette figure, parce qu'elle est fascinante. Ah, je crois que dans tous ces favoris que j'ai collationnés dans ce livre, ce sont tous des figures romanesques. Tous. Dans un domaine ou dans un autre. Ils ont tous quelque chose d'assez étonnant qui nous surprend. Et l'extrait que vous venez de passer montre une fois de plus que quand on est favori, on est sur un siège éjectable. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut disparaître. C'était la grande préoccupation de Godoy en Espagne au début du XIXe siècle. Il se disait, mais si le roi Charles IV disparaît, son successeur, qui est son héritier, qui est son fils aussi, me déteste. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et par conséquent, il y avait une idée chez Godoy de se créer, de se tailler un petit royaume quelque part pour assurer ses vieux jours en quelque sorte. Et il pensait d'ailleurs au sud du Portugal. Mais c'est quelque chose qui s'est posé constamment. Ce sont des gens qui semblent toujours menacés. Et par conséquent, il faut s'accrocher au pouvoir. Il faut toujours renouveler le pacte entre le souverain et le favori. Et ce qui est très intéressant dans ces relations complexes entre le souverain et le favori, c'est que la société prend le dessus très vite, au sens où, si nous reprenons le cas de Struensee, Jean-François Saulnon, vous nous avez dit qu'il a été condamné notamment pour avoir été l'amant de la reine. Mais la reine elle-même, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Oh la pauvre, vous savez, d'abord elle est toute jeune, hein, et ils ont pas, ces gens, elle a pas 25 ans. Eh bien, on a procédé à un divorce avec le roi de Danemark, et elle a été envoyée en résidence dans le nord de l'Allemagne. Il faut dire d'ailleurs que la reine est la sœur du roi d'Angleterre, George III, ce qui peut aider à la fin de son existence. Et puis c'est là où elle est morte. Elle est morte, j'allais dire, bêtement d'une scarlatine. Donc elle est en dehors de l'histoire et de ce qu'on a pu faire subir à Struensee. Sœur du roi d'Angleterre fait que dès lors, il y a des schémas sociaux qui s'imposent pour la reine, tant mieux pour elle, mais pas pour le favori. Dès lors, on lui rappelle ses origines. Ah bah oui, il est un roturier. Mais c'est un roturier, mais Mazarin aussi était roturier. Et en plus, il n'était pas prêtre. Hein, mais ce sont des gens qui semblent venus de la, pour reprendre l'expression de Saint-Simon, de la lie du peuple, des gens de peu, en quelque sorte. Et ça ne pardonne pas dans les monarchies d'Ancien Régime où le préjugé social est considérable. Donc, c'est pas la naissance qui va les mettre sur le devant de la scène, c'est éventuellement le mérite ou la faveur du prince, mais aussi on a affaire à des gens qui sont manifestement issus de milieux sociaux qui sont mal jugés par les contemporains, et surtout lorsque ces contemporains sont des courtisans. C'est en cela que votre histoire des favoris est passionnante, Jean-François Saulnon, parce que nous traversons évidemment les régimes, nous traversons l'Europe, nous traversons le temps, mais malgré tout, cela nous donne plein d'informations sur chacune des sociétés. C'est pas simplement des histoires d'affinité entre un homme, une femme et un favori, ça va plus loin. Oui, c'est la société des pays qui ont été évoqués, parce que finalement, ce phénomène des favoris dont je disais pour me moquer qu'il remonte à la plus haute antiquité, eh bien, ça existe en Espagne, ça existe de Madrid à Paris, ça existe de Londres à Saint-Pétersbourg aussi, puisque il y a dans ce livre l'évocation de favoris des tsars de Russie, y compris de Pierre le Grand, dont je n'imaginais pas au départ qu'il puisse avoir un favori à la personne de Menchikov, même si aujourd'hui encore on visite à Saint-Pétersbourg le palais de Menchikov. Donc c'est un phénomène général et qui correspond bien entendu à un état de la société et puis un état de la vie politique de ces différents pays. Heureusement, aujourd'hui, vous nous l'avez rappelé, pas de favoris autour du prince. Merci beaucoup Jean-François Solnon. Et je rappelle, hein, l'histoire des favoris bien sûr chez Perrin, mais aussi votre Anne d'Autriche, reine de France, au rang des plus grands rois. Merci vivement à vous. Merci de votre invitation. De retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous comment furent accueillis les Français d'Indochine après la défaite de Dien Bien Phu? Le drame des réfugiés ukrainiens a marqué une nouvelle étape malheureuse dans la longue et tumultueuse histoire du droit d'asile. Je l'évoquerai aujourd'hui en rappelant un épisode encore mal connu de ce passé. Il concerne les Français qui ont été obligés de fuir l'Indochine après la défaite de Dien Bien Phu et les accords de Genève qui ont mis fin à cette guerre coloniale en 1954. Parmi les dizaines de milliers de Français qui ont rejoint la métropole en catastrophe, certains étaient des Eurasiens, comme on disait alors, nés d'un père français et d'une mère vietnamienne. À leur arrivée, la plupart d'entre eux furent dirigés vers des camps de transit appelés « Centre d'accueil des Français d'Indochine », CAFI. L'un d'eux fut ouvert à Sainte-Livrade, un village du Lot-et-Garonne, dans un camp militaire qui avait été construit par des réfugiés espagnols à la fin des années 30 et qui avait servi à l'internement des prisonniers ukrainiens de l'armée allemande pendant la guerre. Le 10 avril 1956, 1160 Français d'Indochine, dont 740 enfants, eurasiens pour la plupart, furent acheminés vers ce centre. Ces familles déracinées avaient subi les traumatismes de la guerre d'Indochine, aggravé bien souvent par une première expérience d'internement dans les camps de toile installés à la fin de la guerre autour de Saïgon. Après un mois de navigation, ces réfugiés avaient débarqué à Marseille, puis ils avaient été conduits vers le CAFI de Sainte-Livrade. Le camp était composé de 36 baraques en briques alignées, entourées de barbelés. Il était dirigé par d'anciens militaires qui avait servi dans les troupes coloniales et qui appliquait une discipline de fer. Comme ce fut le cas pour les harkis d'Algérie, ces réfugiés, qui pensaient être bien reçus parce qu'ils avaient servi la France, furent profondément choqués par cet accueil lamentable. Pour les rassurer, les autorités affirmèrent qu'il s'agissait d'un hébergement provisoire, le temps pour eux de s'adapter à leur nouvelle existence afin d'acquérir rapidement une autonomie qui faciliterait leur insertion dans la vie active. Mais comme le provisoire dure souvent longtemps en France, le camp de Sainte-Livrade est devenu un centre permanent. Même si une grande partie de ces rapatriés d'Indochine ont pu le quitter, les veuves, qui n'eurent jamais les moyens de s'installer ailleurs, les enfants, qui ne trouvèrent pas de travail, les malades et les handicapés restèrent sur place. Certains d'entre eux ont ainsi passé toute leur existence dans le CAFI de Sainte-Livrade. Ils s'adaptèrent tant bien que mal au sort qui leur était fait en reconstituant une vie collective cimentée par les souvenirs qu'ils avaient conservés de leur passé en Indochine. L'association Mémoire d'Indochine s'est mobilisée dès le début des années 2000 pour que les familles des rapatriés d'Indochine soient reconnues et traitées de la même manière que les harkis d'Algérie. Lorsque la commune de Sainte-Livrade a entrepris de rénover le camp, entre 2008 et 2013, la mobilisation des associations a permis de sauvegarder la pagode et un quartier composé de 4 bâtiments d'origine pour en faire un lieu de mémoire inscrit au titre des monuments historiques depuis le 29 juin 2012. Merci Gérard Noiriel et bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire. Alors le dossier de ce mois-ci dans l'Histoire, tellement en écho à l'actualité, c'est quoi ? C'est Clausewitz, une figure écrasante qui fait parfois un peu peur, mais qui évidemment revient sur le devant de la scène à chaque fois qu'on est dans une tragédie, et combien depuis le 24 février avec l'invasion des chars russes en Ukraine. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que comment est-ce qu'un homme qui est mort en 1831, qui n'a connu ni les chars, ni les avions, ni bien sûr la bombe atomique, pourrait-il nous aider à penser la guerre ? Et pourtant, Clausewitz nous aide sans doute à penser la guerre, et parce que, peut-être, c'est comme ça que nous avons voulu l'aborder dans ce dossier, parce que, en historien, comme toujours, parce que c'est un homme de son temps. Évidemment, c'est un homme de son temps. Il fait la guerre à 12 ans, il est élève officier dans l'armée prussienne qui envahit la France en 1793. Il devient officier dans les guerres contre Napoléon, c'est vraiment ce face-à-face avec Napoléon. Il est qui va le modeler, qui va le former. Il est prisonnier à Auerstedt, il va passer après la défaite de la Prusse du côté de l'armée du tsar, dans ce qu'il appelle la lutte à mort contre Napoléon. Et c'est évidemment là, sans doute, qu'il forge sa pensée, qui va être mise en forme après sa mort par sa veuve, Marie von Brühl, et qui est une pensée qui est aussi forte qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il est à la fois un héritier des Lumières, hein, ceux qui voulaient inventer, comme Jomini, une science universelle de la guerre. Mais lui, c'est plutôt l'art de la guerre qu'il veut inventer. L'art de combiner les éléments pour obtenir la victoire finale. Et c'est là qu'il forge ses concepts. Il pense le changement entre les guerres limitées d'Ancien Régime. Elle n'était peut-être pas si limitée que ça, mais quand même, il a vu ce que c'était la guerre absolue. Un concept peut-être, mais enfin c'est quand même Napoléon qui lui inspire ce concept. Absoluterkrieg, la guerre d'anéantissement qui va tellement servir à tous les penseurs de la guerre au XXe siècle pour penser des anéantissements bien plus terribles encore. Et puis la guérilla, et puis ce qu'il appelle l'étonnante trinité, c'est-à-dire le militaire, le courage, le politique, l'intelligence, et puis le peuple, la passion. Et c'est la combinatoire des trois qui va faire ce qu'il appelle, enfin cette pensée, ce que Raymond Aron appelle la formule. C'est-à-dire cette fameuse formule que tout le monde répète, la guerre c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais c'est pas seulement une formule, c'est pas un aphorisme, c'est cette combinatoire entre le politique, le militaire, le peuple, et c'est ça évidemment qui sert paradoxalement, et aujourd'hui on voit à quel point ça nous sert, à penser à la fois la guerre absolue, la guerre d'anéantissement, et la limitation de la guerre, comme l'a dit Raymond Aron, et comme le dit Joe Biden, qui a parlé avant-hier de mettre l'ennemi à genoux. Et mettre l'ennemi à genoux, c'est une formule de Clausewitz, peut-être, probablement, Joe Biden le sait. Dans ce dossier, ce qui est intéressant, effectivement, Valérie Hanin, c'est bon, le personnage, et là, on découvre un nom que l'on connaît, mais c'est surtout combien il a inspiré après. Hein, nous traversons les siècles, nous croisons eh bien tous ceux qui ont fait de la guerre l'élément ultime de leur politique, sans hésitation. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce dossier du magazine L'Histoire, Clausewitz. Penser la guerre, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet, émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.